السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أهله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. مرحبا بكم، حياكم الله. Je m'excuse, ces prochains durus, les horaires risquent d'être assez perturbés. Car j'ai des occupations qui ne me permettent pas de pouvoir rester sur un horaire fixe durant ces deux prochaines semaines. Et alhamdoulilah, mon périple touche bientôt à sa fin ici. Donc voilà, je vous en informe. Donc à cause de ça, je suis un petit peu pris à droite à gauche. Donc je m'excuse. Donc, noir, c'est Inch'Allah. Donc, on continue. Et nous avons pris la dernière fois Tawhid, Ma'mana Tawhid Al-Uluhiyya, le Tawhid de la divinité. Aujourd'hui, on va finir par la troisième forme de Tawhid, qui est Tawhid Al-Asma' wa-Sifat. Yaqul ما هو توحيد الأسماء والصفات؟ Donc qu'est-ce que le توحيد des noms et attributs؟ هو الإيمان بما وصف الله تعالى به نفسه في كتابه ووصف به رسوله صلى الله عليه وسلم من أسماء الحسنى والصفات العلى وإمرارها كما جاءت بلا كيف. Donc c'est le fait de croire en ce que Allah عز وجل c'est lui-même décrit dans son livre ainsi que son messager صلى الله عليه وسلم comme plus beau nom et comme attribut supérieur, suprême. Et les accepter comme ils sont venus, comme ils ont été cités, évoqués dans les textes, sans chercher un comment. كَمَا جَمَعَ اللَّهُ تَعَالَى بَيْنَ إِثْبَاتِهَا وَنَفِي التَّكْيِيفِ عَنَّهَا فِي كِتَابِهِ فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ كَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا. Et c'est-à-dire qu'il faut, comme l'a fait Allah Azza wa Jal, les affirmer tout en reniant tout comment. Ça veut dire que ces non-attributs, ils ont un comment, mais nous sont ignorés. Nous, on ignore le comment. D'accord ? Ils ont un comment, mais ce comment nous est inconcevable. On ne peut le connaître. Donc, on affirme ce qu'Allah Azza wa Jal a dit, mais on ne cherche pas un comment. Et dans plusieurs des versets, Allah Azza wa Jal affirme cela. C'est-à-dire, il affirme ses noms, ses attributs, mais il nous informe qu'on le comment nous est inconnu. Dans le sens où il dit, il sait ce qu'il y a devant et derrière eux, et il ne saurait le cerner de par leur savoir, en parlant de ses serviteurs. D'accord. Allah sait tout de nous, mais alors que nous, on ne sait pas grand-chose de lui, en réalité. On ne saurait cerner ses noms et attributs. Yani, le comment. Sur la Torah, verset 110. وَقَالُوا تَعَلَىٰ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٍ وَهُوَ السَّمِيعُ وَالْبَصِيرُ. Il n'y a rien qui est comme lui, et il est le parfaitement audient et le parfaitement clairvoyant. Donc là, Allah Azzawajal nous a bien indiqué qu'il n'y a rien qui lui égale. Cependant, il a affirmé que parmi ses noms, il y a Samir, celui qui entend tout. Donc, cela implique qu'il a l'attribut de l'ouïe, et celui qui voit tout, ce qui implique qu'il a l'attribut de la vue. Wa qawluhu ta'ala, la tudrikuhu al-absar. Que les regards ne sauraient l'atteindre, mais lui, il atteint les regards, et il est le doux et le parfaitement informé. Donc il faut savoir, lorsque Allah Azza wa Jal donne un nom, parmi ses noms, on en tire forcément un attribut, et non le contraire. Ce n'est pas tout attribut dont on en implique, ce n'est pas tout attribut qui implique un nom. Allah Azza wa Jal, des fois, va se nous informer d'un attribut qu'il a. Et si on n'a pas de dalil qui dit qu'il y a un nom lié à cet attribut, on ne peut le nommer de la sorte. Par contre, lorsqu'il se nomme, il nous donne un nom, alors, contrairement à cela, cela implique forcément l'attribut qui va avec. C'est une règle que vous allez apprendre, Inch'Allah, lorsque vous ferez des livres un peu plus approfondis dans le sujet. وَفِي التِّرْمِذِي عَنْ أُبَيْ إِبْنِ كَعْبْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أن المشركين قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعني لما ذكروا آلهتهم أو ذكر آليتهم أنسب لنا ربك فأنزل الله تعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Donc dans un hadith, lorsque les mushrikoun sont venus voir le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, et lui, il a cité leur divinité, ces mushrikoun lui ont dit, décris-nous donc ton Seigneur. Alors Allah azawajal a fait descendre, dans le sens où il dit, il est Allah l'unique, Allah le Samad. Et le Samad, ça a le sens de Ahad, et également du ulama disent que ça a le sens de celui qui n'engendre pas, qui n'a pas été engendré. Donc ça vient au verset qui est avant et celui qui est après. Et d'autres interprétations ont été données. Donc Allah Azza wa Jal n'a ni été engendré ni n'engendre. لِيَنَّهُ لَيْسَ شَيْءٍ يُولَدُ إِلَّا سَيَمُوتُ وَلَيْسَ شَيْءٍ يَمُوتُ إِلَّا سَيُرَاثُ وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَا يَمُوتُ وَلَا يُرَاثُ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ لَمْ يَكُنْ لَهُ شَبِيهٌ وَلَا عَدِيلٌ وَلَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ. Pourquoi Allah également, on ne peut dire qu'il a été engendré ni n'engendre, car toute chose qui a été engendrée finira par mourir. Et toute chose qui meurt finira par laisser un héritage. Et Allah Azzawajal ni ne meurt, ni ne laisse d'héritage. Mais c'est lui le roi, c'est lui qui hérite de tout. Au final, c'est Allah Azzawajal qui hérite de tout ce qu'il y a sur terre. Et il n'y a rien qui lui soit égal. Allah, il n'y a rien qui lui ressemble, ni de choses qui soient son équivalent, et rien qui ne soit comme lui. يقول ما دليل الأسماء الحسنى من الكتاب والسنة. Donc maintenant il dit c'est quoi la preuve justement de ces noms les plus beaux dans le livre et dans la Sunna. قال الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. Dans le sens où il a dit c'est à Allah qu'appartiennent les plus beaux noms, invoquez-le ou appelez-le ou le nommez-le avec. Et délaissez ceux qui blasphèment dans ces noms. C'est-à-dire ceux qui changent ses noms. D'accord ? Ou qui le nomment par autre que ses noms. Comme par exemple, on en parle souvent de la Mas'ala, le fait de le nommer Dieu. Ça rend dans l'ilhad, dans les asmas, ce n'est pas permis. D'accord ? De le nommer Dieu ou de le traduire, c'est non. On peut les traduire à titre d'indication pour quelqu'un qui ne comprendrait pas. Mais une fois que la traduction a été faite, on ne persiste pas dessus à le nommer tout le temps de la sorte. Comme les gens le font avec Dieu, Dieu, Dieu, tout le temps. D'accord ? Si quelqu'un qui ne connaît pas l'arabe te demande ça veut dire quoi ? Allah, tu dis ça veut dire la divinité, le Dieu. Qui comprennent. Mais ensuite, tu continues à le nommer Allah. C'est pas la peine de dire Dieu à chaque fois. Car là, tu entrerais dans l'ilhad fil asma. Et Allah, il a dit qu'il est le plus beau nom. Dieu n'est pas parmi les plus beaux noms. Dieu, c'est un mot qui a un féminin, qui a un pluriel et autre. Et en plus, il y a une étymologie qui contredit justement la croyance du tawhid. Summa qala ta'ala, quridu Allah, awidu ar-Rahman, ayyaman tad'u falu al-asma al-husna. Donc, il a dit que vous invoquiez Allah. Ou que vous l'invoquiez par Ar-Rahman, quelle que soit la manière dont l'invoquer, c'est lui qui a les plus beaux noms. Ça veut dire le nommer par ses noms, bien évidemment. Si tu le nommes Allah Azza wa Jal, Allah, c'est celui que l'on adore seul. Et on l'appelle Ar-Rahman, c'est le même. On l'appelle Al-Alim, c'est le même. On l'appelle Ar-Rahim, c'est le même. C'est lui, toujours. Et tous ces noms-là sont parmi les plus beaux noms. Wa qala Azza wa Jal, Allahu la ilaha illahu, lahu al-asma'u husna. Dit Allah, nulle divinité en droit d'être adorée en dehors de lui et qu'il a les plus beaux noms. وَغَيْرُهَا مِنَ الْآيَاتِ et d'autres parmi les versets qui sont très nombreux. وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لِلَّهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ إِسْمًا مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةِ que le prophète صلى الله عليه وسلم il a dit qu'il y a 99 noms d'Allah, celui qui les dénombre et également dans une version qui les mémorise et qui les comprend entrera au paradis. On a expliqué que ce hadith, quand on avait pris la fin du kitab Al-Mabadi Al-Mufida, que ce hadith ne veut pas dire que Allah Azza wa Jal n'a que 99 noms, mais que parmi ces noms, il y en a 99, celui qui les mémorise et les dénombre et les comprend, d'accord, entre Arujan, c'est ça que ça veut dire. Sans quoi, Allah Azza wa Jal a plus que cela comme nom. Et d'ailleurs, dans le livre d'Al-Mabadi Al-Mufida, le Shir a cité justement des dalils qui montrent qu'ils sont bien plus nombreux que 99. وقال صلى الله عليه وسلم أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم العيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي. Donc voilà ce hadith qui est une preuve que nous d'Allah Azza wa Jal on ne le connaît pas tous, dans lequel le Nabi صلى الله عليه وسلم l'a dit, je te demande ô Allah par tout nom qui t'appartient, par lequel tu seras nommé toi-même, ou que tu auras fait descendre dans l'un de tes livres, ou dans ton livre, ou donc tu auras enseigné à une créature parmi tes créatures, ou alors que tu auras gardé auprès de toi dans la science de l'invisible. Ce qui prouve qu'Allah a des noms qu'on ne connaît pas. Et il a dit, je te demande par tout cela que tu fasses que le Coran soit le printemps de mon cœur. Donc le shahid de ce hadith, c'est Aoustafarta bihi fi ilm al-ghayb indak. Par les noms que tu auras gardés auprès de toi dans la science de l'invisible. Yaqul, ma misal al-asma al-husna min al-Qur'an. Donc maintenant, il a dit, c'est quoi des exemples des plus beaux noms dans le Coran. Car Allah Azawajal s'est nommé dans le Coran par des noms. Donc là, il donne des exemples parmi les versets. Mithl qawlillahi ta'ala, inna Allah kana aliyan kabira. Certes, Allah est très haut et grand. Une grandeur absolue, bien évidemment. Inna Allah kana latifan khabira. Que Allah est doux et parfaitement informé. Innahu kana aliman qadira. Et que Allah est omniscient et omnipotent. Wa qala ta'ala, inna Allah kana sami'an basira. Que Allah est parfaitement entendant, je ne sais pas si ça se dit, et clairvoyant, qui voit tout. Inna Allah kana azizan hakima. Et que Allah est tout-puissant et sage. Inna Allah kana afuran rahima. Et que Allah était pardonneur et miséricordieux. Innahu bihim ra'uf rahim. Et qu'il est pardonneur et miséricordieux envers eux, envers les croyants. Wallahu ghaniyun halim. Et que Allah est le plus riche, le riche et l'indulgent. Innahu hamidun majid. Et qu'il est le loué et le splendide. Inna rabbi ala kulli shay'in hafiz. Et que mon Seigneur protège toutes choses. Inna rabbi qaribun mujib. Certes, mon Seigneur est proche et répondant. Inna Allah kana alikum raqiba. Et que Allah vous surveille. Wa kafa billahi wakila. Et que Allah contente-toi d'Allah comme garant. Wa kafa billahi hasiba. Et contente-toi d'Allah comme prompt à compter. Wa kana Allahu ala kulli shay'in muqita. Et que Allah surveille toutes choses. Observe toutes choses. Ou veille sur toutes choses. Innahu ala kulli shay'in shahid. Et que Allah témoigne de toutes choses. Et témoigne de toutes choses. Innahu bi kulli shay'in muhit. Que Allah cerne toutes choses. Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum. Donc Allah, nulle divinité digne d'être adorée en dehors de lui. Il est le vivant d'une vie parfaite, c'est-à-dire une vie sans début, une vie sans fin. Et le qayyum. Le Qayyum, c'est celui qui se tient par lui-même et celui par qui tout se tient, qui n'a besoin de rien et que tout a besoin de lui. Et qu'il est le premier, ainsi que le dernier, et qu'il est l'apparent et le caché, et qu'il est omniscient. Dit, c'est Allah, celui dont il n'a d'une divinité d'être adoré en dehors de lui. Et il est le savant de l'invisible et de l'apparent. Et il est le Rahman, le tout miséricordieux, le Rahim, le très miséricordieux. On traduit comme ça en général. Et la différence entre Ar-Rahman et Ar-Rahim, c'est qu'Ar-Rahman, c'est celui qui possède la miséricorde absolue. Et l'Ar-Rahim, c'est celui qui fait parvenir cette miséricorde à autrui. Ou Allah, الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. Donc il est Allah, la ilaha illahu, le roi, le sanctifié, la paix, le croyant, le doux, le puissant. Le Jabbar, c'est celui qui contraint toute chose. Mutakabbir, c'est l'orgueilleux. Et ça, dans le droit d'Allah Azawajal, c'est une chose qui lui revient. Car quelqu'un qui est orgueilleux, c'est quelqu'un qui est hautain, qui se croit au-dessus de la vérité. Et Allah Azawajal, c'est lui qui a créé la vérité, donc il est au-dessus de la vérité. Au-dessus de tout. Comme il mérite tout, alors ce kibr, cet orgueil, il le mérite, Allah subhanahu wa ta'ala. Mais pour nous, ce serait un mauvais attribut pour l'être humain. Qu'il soit purifié de ce qui lui associe. Hu Allahu al-Khaliq al-Bari al-Musawwir lahu al-Asma'u al-Husna. Qu'il est Allah, le créateur. Celui qui donne début à toute chose. Celui qui façonne, qui donne une forme à toute chose. Et qu'il a les plus beaux noms. Et autres. Donc ça, ce sont des exemples des noms d'Allah Azzawajal dans le Coran. Il faut savoir que les noms d'Allah Azzawajal, ce sont des le concernant des Asma Alamiya sont des, comme on dirait en français, des noms propres, et également des Awsaf, des descriptifs. Car par exemple, nous, la créature, nos prénoms à nous, sont des noms propres. Par exemple, quelqu'un qui s'appelle Saleh. Un exemple, quelqu'un s'appelle Saleh. C'est un prénom, Saleh. Eh bien, Saleh, ça a un sens, ça veut dire quelqu'un qui est vertueux. Et bien, il se peut que ce Saleh ne soit pas Saleh en lui-même. Il se nomme Saleh, mais il n'a pas comme attribut la réforme. Ce n'est pas une personne qui est droite. Donc pour nous, nos prénoms, à nous, c'est juste pour nous nommer. Et ce n'est pas forcément un descriptif. Par exemple, tu as une personne, un homme, il va s'appeler, Masalen, Jamil, ce qui veut dire beau. Et il se peut qu'il ne soit pas, ce ne soit pas le cas. D'accord ? Ce ne soit pas le cas. Mais dans le cas d'Allah Azawajal, ces noms, ce sont des noms propres par lesquels on le nomme, et également des attributs. D'accord ? Des attributs. Ça n'est valable pour le Nabi, sallallahu alayhi wa sallam. Et également pour le Coran. Et toutes les choses qui sont liées à ce qui se passe le Qiyam. La nomination, ce sont des noms propres, également des choses qui leur sont relatives et par lesquelles elles sont décrites. طيب ثم يقول ما مثال الأسماء الحسنى من السنة. Donc maintenant des exemples des plus beaux noms dans la Sunna. Qulihi sallallahu alayhi wa sallam la ilaha illallah al-azim al-halim la ilaha illallah rabb al-arsh al-azim la ilaha illallah illallah rabb al-samawati wa rabb al-ard wa rabb al-arsh al-karim. Dans le sens où le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit la ilaha illallah, l'immense, l'indulgent. La ilaha illallah, seigneur du trône immense. La ilaha illallah, seigneur des cieux, seigneur de la terre et seigneur du noble trône. Wa qulu sallallahu alayhi wa sallam ya hayy ya qayyum ya dhal jalal wal ikram ya badi' as samawati wal ard. Lorsque le Nabi sallam l'a dit, ô vivant, ô qayyum, on a expliqué celui qui se tient par lui-même et celui par qui se tient le reste. Dhal jalal wal ikram, c'est celui qui détient la splendeur et celui qui accorde ou qui honore autrui. Ô créateur des cieux de la terre, là d'une création sans précédent. Badir, c'est le sens de créateur d'une chose qui est sans précédent. Une chose qui est innovée. Là, vous voyez le mot, il y a le ba, le del et le ayn, dans lequel on trouve le mot, par exemple, bid'a, qui veut dire une chose sans précédent. Donc Allah, il a créé les cieux de la terre d'une façon qui n'a jamais été faite auparavant. Jamais été faite auparavant. Une création, d'accord, qui a été faite de cette façon-là pour la première fois, et c'est lui qui l'a faite. وقوله صلى الله عليه وسلم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. Il a dit par au nom d'Allah, celui par lequel lorsque son nom est nommé, rien ne peut nuire dans les cieux et sur terre, et il est le parfaitement audient et l'omniscient. وقوله صلى الله عليه وسلم اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والارض Rabbi Kulishin wa Malikuh. Il a dit, ô Allah, Seigneur de l'invisible et de l'apparent, Créateur des cieux et de la terre, Seigneur de toute chose, afin et le roi de toute chose. Et quand on dit Allahumma, en fait, ça veut dire Ya Allah, ça veut dire ô Allah, en fait. Taïeb, quand vous voyez le mot Allahumma, en fait, ça veut dire c'est un appel. C'est comme si on disait Ya Allah, ô Allah. Wa qawluhu sallallahu alayhi wa sallam, Allahumma Rabbi samawati sab'a. ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالك الحب والنوى أو النوى منزل التوراة أو التوراة والإنجيل والقرآن أعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته أنت الأول ليس قبلك شيء وأنت الآخر ليس بعدك شيء وأنت الظاهر ليس فوقك شيء وأنت الباطن ليس دونك شيء. أو الله Seigneur des cieux, des sept cieux et Seigneur du trône immense, notre Seigneur, Seigneur de toutes choses, celui qui fend la graine ainsi que le noyau, celui qui a fait descendre la Torah ainsi que l'Injil et le Coran. Je recherche refuge auprès de toi contre le mal de toutes choses qui possède du mal, qui est sous ton joug, c'est-à-dire sous ton contrôle. Tu es le premier, il n'y a rien avant toi. Tu es le dernier, il n'y a rien après toi. Tu es l'apparent, il n'y a rien de plus apparent que toi, c'est-à-dire à travers sa création. Et tu es le caché, il n'y a rien de plus dissimulé que toi. Naam. Wa qulu sallallahu alayhi wa sallam, Allahumma lakal hamd, anta nur as-samawati wal ard, ومن فيهن ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن. Il dit, oh Allah, à toi te revient la louange, à toi revient la louange, la louange. Tu es la lumière des cieux et de la terre, et ce qui s'y trouve. À toi revient la louange, et tu es celui qui tient justement les cieux et la terre et ce qui s'y trouve. وقوله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Lorsqu'il a dit le Nabi صلى الله عليه وسلم, oh Allah, je te demande par le fait que je témoigne que tu es Allah, qu'il n'y a d'une divinité d'être adoré en dehors de toi, que tu es l'unique et que tu es celui qui n'a pas engendré et qui n'a pas été engendré et qui n'a pas d'égal. Et là dans ce Dua, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam fait ce qu'on appelle At-tawassul bi asma'illah wa sifati. C'est-à-dire que là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il fait une invocation et il fait ce qu'on appelle At-tawassul, c'est le fait de prendre une intercession par les noms et attributs d'Allah azawajal. On a dit qu'Allah azawajal, le tawassul est de trois sortes. Par ses noms et attributs, comme ça dans ce hadith-là, ou par les bonnes actions que l'on a faites sincèrement, et également par le biais d'une personne pieuse. Elles sont les trois choses par le biais desquelles on peut demander une chose à Allah Azzawajal. Par ses noms et attributs, ou par des actes qu'on aura accomplis sincèrement, et ça peut être même notre foi, d'accord ? La foi que l'on a, ce n'est pas forcément un acte en soi par des membres, mais ça peut être un acte également du cœur, et aussi le fait de demander à une personne pieuse d'invoquer pour nous. En dehors de cela, il n'est pas permis de passer par un autre moyen pour invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. وقوله صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب او toi qui retournes les cœurs. Non. Donc là, ce sont des preuves maintenant de la sunna qui indiquent des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais bien sûr, comme on l'explique, là c'est une traduction bab taqrib approximative pour avoir un approchement, car lorsqu'on traduit, ça paraît pas comme étant un nom. Quand on traduit, ça fait comme un descriptif. Mais en arabe, c'est un nom. En arabe, c'est un nom. Non. Donc voilà ce qu'on a pris aujourd'hui comme ders. Et on va se contenter de cela, biznillah ta'ala. Wa naqul subhanaka wa bihamdik. La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.